must be happy. He must be happy in his world. Conforme. En 2009, The Stone Roses composait I Wanna Be Adored, qu'on écoute interprété par les Danois de Ravonettes en 2010. We'll be right back. copie non conforme. Le Voironné Tony Raviol et son orchestre nous reprend le « J'aime regarder les filles » de Patrick Coutin, avec des paroles réadaptées. Écoutez-moi ça. Entre les dents, les gorges qui avalent des petits bouts de métal. J'aime regarder les filles qui mangent du fromage dans le coin de l'assiette, un petit tas de croûte, la serviette qui essuie leurs lèvres bien trop sales. J'aime regarder les filles qui mangent du fromage, leurs lèvres qui se collent sur le chèvre chaud, leur souffle qui décoiffe et leur sourire vorace. J'aime regarder les filles à morceaux de roquefort, un petit tas de croûte, les lèvres bien trop sales. J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles qui mangent du fromage quand elles se déshabillent et qu'elles touchent mon corps avec un restant de top me coincé sous les ongles. J'aime regarder les filles qui mangent du fromage, celles qui pètent au lit et rotent en sortant de table, le ventre trop rempli et qui embourbent les tables. J'aime regarder les filles, regarder les filles. Yeah!

a plu. Alors rendez-vous le mois prochain pour la suite des copies non conformes. Salut !